Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma de John Cassavetes. Chez Cassavetes, tout est amour. Lui, il filme les rapports de couple, les enfants, mais il n'y a rien de marginal ni de pervers là-dedans. Ça se passe de nos jours, n'importe où, dans nos sociétés occidentales. Et tout ça, c'est des brassées d'amour de gens qui tâtonnent un peu dans le noir et qui n'arrivent pas à s'attraper les uns les autres et tout ça. C'est pas tout repos, l'amour, chez Cassavetes. C'est quelque chose de violent aussi et de contradictoire, où les gens se tapent dessus. Il y a beaucoup de scènes de malentendus, des conversations qui durent longtemps, parce que ça, c'est aussi une des figures du cinéma de Cassavetes, mais où les gens ne se comprennent pas. Enfin, voilà, donc tout ça, même si l'amour est effectivement quelque chose qui vient peut-être au bout du compte, je ne sais pas si c'est racheter tout ça, c'est un sentiment voilà, qui n'est pas simple et qui est un moteur tout en étant un obstacle d'une certaine manière chez lui. John Cassavetes, cinéaste de l'amour, avance l'acteur Jean-François Stévenin à l'émission française La Grande Table. Cinéaste de l'amour, certes, mais de l'amour trouble, complète le réalisateur et historien du cinéma Thierry Jousse à la même émission. L'amour dans le cinéma de John Cassavetes, c'est aussi celui des acteurs, ces acteurs qu'il aime profondément, il est lui-même un acteur, et l'amour du cinéma lui-même, parce que Cassavetes pratique un cinéma d'abord destiné aux amoureux du 7e art. Metteur en scène, acteur, l'homme qui est mort hier était un véritable créateur. Une position marginale à Hollywood où faire des films est une activité avant tout commerciale. Fils d'un immigrant grec né en 1929 à New York, John Cassavetes commence sa carrière en jouant dans des films parallèlement à ses apparitions à l'intérieur de nombreuses séries télévisées. L'une d'elles, Johnny Staccato, deviendra une série culte. Son premier film, Shadows, révèle déjà la nouveauté d'un style, l'originalité d'une écriture cinématographique où l'improvisation tient un rôle prépondérant. Malgré la méfiance qu'il suscite auprès des grandes compagnies américaines, il fait avec difficulté Faces en 68, Husbands, Une femme sous influence, Gloria. Il a joué dans Les douze salopards ou Rosemary's Baby. À 50 ans, il déclarait, faisant référence à ses films lors d'un hommage rendu à son œuvre, je cite, « J'aimerais savoir que je ne suis pas mort, qu'il y a un avenir à ma vie ». Extrait du reportage de Marc Maisonneuve présenté au journal de 13 heures en France au moment du décès de John Cassavetes en février 1989. Pour nous parler du cinéma de John Cassavetes, je reçois Hélène Faradji, critique de cinéma et dîmestre pour la section cinéma sur le site de Radio-Canada. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Quelle place il occupe, John Cassavetes, dans l'histoire du cinéma américain et qu'est-ce qu'il représente dans ce cinéma américain? C'est une place essentielle, peut-être méconnue, parce que John Cassavetes, son cinéma est peut-être moins connu du grand public. Ça reste une figure du cinéma indépendant, mais dans le monde cinéphile, dans le monde du cinéma, j'ai envie de dire qu'il a été instrumental, même si je pense qu'il n'aurait pas beaucoup aimé ce mot-là. Il a été instrumental parce qu'il a été le pionnier de ce qu'on peut appeler le cinéma indépendant américain, ouais. Le nouvel Hollywood, donc ce mouvement de cinéma dans les années 70 qui a permis à des réalisateurs comme Martin Scorsese de s'exprimer. Vraiment, Cassavetes a été à l'origine de ça en pratiquant un cinéma extrêmement libre, extrêmement audacieux, hors des sentiers battus. Et il a été tellement important qu'aujourd'hui, les Spirit Awards, qui sont les prix qu'on remet au cinéma indépendant, ont décidé de baptiser un de leurs prix au nom de John Cassavetes. Donc il a vraiment une place centrale dans l'histoire même de l'évolution du cinéma américain. Et c'est une œuvre, évidemment. Il va réaliser de nombreux films, mais c'est plus que ça. C'est une position, une posture par rapport à la grosse machine hollywoodienne. Exactement. C'est quelqu'un qui a toujours fait un cinéma en dehors des contraintes imposées par Hollywood. Un pied de nez. Un pied de nez, oui, exactement. Même quand il a essayé de s'inscrire dans le modèle traditionnel du cinéma américain, ça n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un qui allait jusqu'à hypothéquer sa maison pour financer ses propres films, qui tournait chez lui, qui avait une conception du cinéma qui ne pouvait peut-être pas se faire avec un producteur, avec un studio. Il voulait faire un cinéma libre, un cinéma qui lui ressemblait, avec les histoires qu'il voulait raconter, ouais. Qui n'était peut-être pas très à la mode dans le cinéma hollywoodien, mais qu'il a tenu coûte que coûte à faire. Alors, comment le décrire, ce cinéma de Cassavetes? Qu'est-ce qui l'intéresse? Alors, lui-même disait « Tout ce qui m'intéresse, c'est l'amour. » On l'entendait au début, et c'est vrai que ces films, c'est des films qui parlent d'amour, mais dans ce que l'amour peut avoir de déchirant, de complexe, de moderne, d'ambivalent, parce qu'il va souvent filmer des couples qui vont mal, des couples qui vivent de l'adultère, de la dépression, des problèmes de dépendance. On a ces enjeux-là qui viennent noyauter, disons, la notion d'amour traditionnelle telle que le cinéma américain l'entend d'habitude. C'est souvent des études de caractère aussi, des âmes en peine qui errent dans son cinéma. Lui-même disait, je trouve que la formule est très jolie, qu'il voulait filmer les « the brute behind the suits », donc les brutes derrière les costumes. C'est-à-dire l'homme cru dans ce qu'il peut avoir de moins polissé, de moins lisse. Et ça donne évidemment des personnages extrêmement vivants, extrêmement complexes, contradictoires, passionnants. Souvent des personnages... peut-être pas de marginaux, mais qui sont marginalisés. C'est la classe moyenne, en général, qu'ils filment, mais qui vont avoir des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de dépression. On est toujours dans des sentiments extrêmes chez Cassavetes. Oui, l'amour, mais oui, la générosité, oui, l'amitié aussi, mais l'agressivité, les cris, le tumulte, et tout ça se voit autant quand il parle des hommes, par exemple dans Husbands, avec cette trois hommes qui partent en goguette à Londres et qui vont vivre toutes sortes d'aventures extrêmement tumultueuses, mais aussi dans des films très intimes qui parlent du couple, Woman Under the Influence, qui c'est rien de compliqué, c'est un homme, une femme, des enfants, et tout ça part à la dérive. Et je crois que vraiment ce qui l'intéressait dans sa façon de faire du cinéma, c'est la vulnérabilité humaine, c'est-à-dire ce qui fait qu'on essaye de se conformer à des modèles, mais qu'on n'y arrive pas toujours. La vie avec ses hauts et ses bas, c'est notre manière de vivre, la vie, notre manière de vivre, la famille, c'est ça qu'il filme. En fait. Oui, des choses très très simples, très quotidiennes, c'est rien de spectaculaire du tout, même ses histoires n'en sont pas tout à fait, c'est plus des chroniques, donc des instants volés à quasiment impressionniste dans la vie d'un couple ou de gens tout à fait normaux, mais qui deviennent des objets de cinéma parce que des émotions extraordinairement magnifiées par son talent d'écriture. Ouais. Et si le cinéma de Cassavetes reste un cinéma, vous me corrigerez, mais j'allais dire un cinéma d'initié, en tout cas c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux cinéphiles, aux gens qui aiment le cinéma, c'est à eux qu'il s'adresse. En fait, il est comme réalisateur, il est assez peu connu du grand public, mais c'est quelqu'un de plutôt connu du grand public comme acteur. Exactement, ouais, parce qu'il a une carrière parallèle, si on peut dire. Il y a Cassavetes pour financer ses films. Exactement, pour financer ses films, c'est quelqu'un qui a toujours aimé le jeu. Il faut savoir qu'à la base, c'était un élève assez dissipé, qui n'avait pas nécessairement de grandes ambitions autres que celles de s'amuser. Et à un moment donné, il découvre le théâtre. Et ça devient une passion pour lui, une passion qui fait qu'il va s'inscrire dans une académie de théâtre. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer Gina Rowlands. Et très rapidement, en sortant, il va se mettre à jouer pour le théâtre. Et il va aussi, parallèlement à cela, fonder son propre atelier de jeu. Donc, pour former des comédiens, un atelier qui va être parallèle à celui de l'Actor Studio. Mais l'Actor Studio est réservé aux professionnels, alors que l'atelier de Cassavetes, lui, est ouvert à tout le monde. Et on va y pratiquer l'improvisation, la spontanéité, l'expressivité de l'acteur. Ça va vraiment être son mantra pour ceux qu'il forme. Mais rapidement, il comprend que on ne peut pas tout à fait vivre avec ça et que donc la télé et le cinéma sont peut-être des avenues où exprimer son talent. Et très rapidement, il va se mettre à jouer pour la télé, Johnny Staccato, effectivement, dans des séries télé. Pour le cinéma, ça va être Rosemary's Baby, The Dirty Dozen. Donc, quelqu'un qu'on a vu dans des films assez populaires, assez reconnus. Il est un sacré acteur. Un très, très bon acteur, mais qui, je pense, avait plutôt l'idée de se servir de ces interprétations-là dans des films populaires pour récolter des sous pour pouvoir faire ses films à lui. D'ailleurs, il joue aussi dans ses films à lui, évidemment. Si la famille fait partie des thématiques qui l'intéressent, on en parlait il y a un instant, Cassavetes comme réalisateur de films, la famille est aussi très, très importante comme entité dans sa façon de faire du cinéma. Il va vraiment développer sa famille au cinéma, sa famille d'acteurs. Et évidemment, au premier chef, dans cette famille, un rôle privilégié pour sa compagne, Gina Rawlins. He's got something in that bag. Don't be concerned yeah, about this bag. Yeah, he's going to try to imprison me with something in that bag. Don't be concerned about this bag. Am I right? Don't be concerned. Am I right, Nick? Am I right, Nick? Am I right, Nick? Cassavetes, avec sa sensibilité d'acteur, quand il voit apparaître cette femme-là, je pense qu'il comprend très bien et il va investir à toute fin pratique toute son œuvre dans la personne de Gina Rawlins, qui va porter cette œuvre-là sur ses épaules en bonne partie aussi. Hein. You don't mind making a drink, do you? No, I don't. Now, on the left there, you make the drink, Zip, and I'll watch them. Quelques secondes de la performance de la brillante Gina Rawlins dans le film « Femme sous influence ». Vous entendiez aussi dans cet extrait Robert Dodelin, à l'époque, qui était à l'époque à la Cinémathèque québécoise, à l'émission « Aux arts, etc. » en 2002. Parlons de ce couple Rawlins-Cassavetes. Qu'est-ce qu'il représente dans le cinéma américain? Hélène Faradji, et plus largement, qu'est-ce qu'ils s'apportent mutuellement l'un et l'autre? D'abord, c'est un coup de foudre. Hein. La rencontre entre Gina Rawlins et Cassavetes, c'est fulgurant. Ils se rencontrent donc à cette académie de théâtre en 1953. 4 mois plus tard, ils sont mariés et ils vont faire ensemble 9 films. C'est le genre de couple mythique du cinéma, un peu comme un Scorsese de Niro. C'est-à-dire qu'on a cette complicité évidente entre un réalisateur et une actrice qui, là, se double en plus d'une histoire d'amour assez fascinante. J'ai l'impression que sans Cassavetes, il n'y aurait pas de Gina Rawlins. Et sans Gina Rawlins, il n'y aurait pas de Cassavetes. Ouais. Parce que lui trouve en elle une interprète qui est d'une sensibilité, d'une vulnérabilité, d'une fébrilité aussi, tout à fait à même de rendre justice au personnage qu'il écrit. Et elle trouve chez lui des rôles qu'on ne trouve pas ailleurs, des rôles de femme extraordinaire, complexe, sauvage, souvent au bord de l'abîme. Des rôles comme le cinéma américain et même le cinéma mondial, je pense, en a peu offert aux femmes. Sa performance dans Opening Night, c'est un moment de cinéma inoubliable pour quiconque l'a vu. On se souvient de la folie, de la dépression, de ce qu'elle arrive à incarner en refusant aussi ce que peu d'actrices à Hollywood ou en tout cas dans le cinéma américain ont fait, c'est-à-dire en refusant le glamour. Ouais. Elle est une femme entière. Et j'imagine que quand on est actrice, on cherche des rôles comme ceux que Cassavetes a pu écrire pour Gina Rawlins. Et en fait, en regardant ce qu'il fait pour elle, ce qu'il écrit pour elle, on voit le cinéma de Cassavetes peut-être d'un autre œil, mais en tout cas, on voit ce cinéma féministe qu'il offre. Absolument, parce qu'il a été un des rares à créer des rôles de femmes vulnérables, des rôles de femmes contradictoires, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément aimables, qui sont des rôles de femmes qui refusent un peu les stéréotypes de l'actrice hollywoodienne ou l'actrice de cinéma américain. Et puis en plus, souvent, c'est le personnage principal, donc c'est pas un faire-valoir du tout. Ouais. Elle est pas là pour soutenir le rêve de l'homme ou l'accompagner dans sa quête. Non, elle a une histoire à elle. Et d'aller explorer, surtout dans les années 70 où c'était un cinéma prioritairement masculin, d'aller explorer les zones de fragilité féminine comme il l'a fait sans jamais juger, sans jamais non plus généraliser à un stéréotype de femme. Ils sont finalement assez peu à avoir osé faire ce genre de rôle. Donc Gina Rawlins, pour garder cette image de la famille, c'est la chef de la famille, elle est à la tête. Mais il y a tout plein d'autres personnages qui appartiennent à cette famille de Cassavetes. Effectivement, Cassavetes, je pense, a toujours conçu le cinéma comme presque comme le théâtre, c'est-à-dire avec cette idée de troupe, de famille, de création collective. Oui, quand on fait un film, évidemment, il y a le nom du réalisateur, mais dans le cas de Cassavetes, c'est indissociable de Gina Rawlins, de Ben Gazzara, de Peter Falk et de Seymour Cassell. Eux, ensemble, ont véritablement conçu un cinéma où chacun mettait la main à la pâte. Et c'est au-delà même des tournages et des rôles qui sont écrits. Peter Falk, par exemple, a investi dans les films de Cassavetes. Ils l'ont aidé financièrement à produire les films. Seymour Cassell accompagnait les films dans les festivals ou pour aller chercher des distributeurs qui peinaient un peu à faire le travail. Donc vraiment, chacun venait mettre la main à la pâte de ces créations qui étaient, je pense, conçues comme des objets collectifs. Hi, Mo. Momo. Hey, baby. Give me one of those. And a stranger, there's a stranger. Hi, Mo. Hi. Hello, Mo. How oh, hi, been? Dave. He lives Boy, you sure look like you got a hangover. I've got to go. Hey, what's the story here? I'll talk to you later about it. I thought you and Leia were making a scene. Hey, Dave, wait a minute. I can't. Oh, wow. C'est avec Shadows, à la fin des années 50, que John Cassavetes passe derrière la caméra à Hélène Faradji. Comment il en vient à la réalisation? À ce moment-là, il est donc dans. Il continue à jouer, il a son atelier. Et durant un de ses ateliers, il a l'idée de faire un film qui parlerait de trois frères et sœurs afro-américains qui vont subir de la discrimination. Au départ, il ne sait pas nécessairement très bien comment s'y prendre. Alors, je trouve ça extraordinaire comme histoire. Il va profiter d'un de ses passages à la radio, où il est invité pour parler d'un de ses rôles, pour lancer un appel, comme aujourd'hui du financement participatif, mais à l'époque. Et il va récolter comme ça 20 000 dollars. Et il va dire, en fait, durant ce passage à la radio, il va dire, si vous voulez voir des films avec des vrais gens, aidez-moi. Ouais. Et donc, il va réussir à faire ce film, mais encore une fois, de façon très artisanale. Ça va être fait avec des acteurs non professionnels, en 16 mm, donc avec une caméra qu'il a réussi à trouver un petit peu comme ça, sans réellement avoir d'appui de studio. Et il va effectuer ce tournage-là sur plus de 2 ans. Durant les week-ends. Donc les fins de semaine vont servir à filmer des petits bouts du film qu'il va assembler ensuite par un montage encore une fois très long, de façon quasi improvisée, mais ça va être un immense succès, en tout cas en festival. Ouais. Parce que c'est ça, la petite histoire est assez amusante aussi. Il va d'abord montrer le film au Festival de Venise. Au Festival de Venise, il va récolter le prix de la critique internationale, mais il ne va pas réussir à trouver de distributeur américain. Donc aucun distributeur américain ne veut de ce film qui est trop indépendant, trop bizarre, trop étrange, trop hors norme. Et c'est finalement un distributeur européen qui va l'acheter après ce prix et qui va le distribuer aux États-Unis, mais comme un film étranger. Incroyable. Et ça nous en dit tellement sur le parcours et sur la carrière de Cassavetes. On l'entendait dans l'extrait qu'on vient de présenter de ce film Shadow. C'est Charlie Mingus qui signe la bande sonore du film. Ça, c'est le premier film de Cassavetes, mais il y en aura plein d'autres. Et la musique sera toujours important dans ces films. Effectivement, et en particulier le jazz. Charlie Mingus sur Shadows a réalisé sa musique en l'improvisant, un peu comme Miles Davis avec Ascenseur pour l'échafaud, donc en jouant en direct en même temps que le film lui était projeté. Et Cassavetes va toujours vouloir retrouver cet aspect vivant de la musique. Alors lui-même disait qu'il voulait de la musique dans ses films parce que le silence, c'est la mort. Ouais. Donc il y a une peur du silence, une volonté d'utiliser la musique à son plein potentiel. Et il va beaucoup travailler avec Bo Hardwood, qui est un musicien qui travaille encore aujourd'hui, qui va expliquer dans plusieurs entrevues qu'il enregistrait des choses dans la cuisine de Cassavetes et que normalement, un musicien ferait entendre au réalisateur quelque chose et ensuite passerait en studio pour polir le son, pour que ce soit plus acceptable. Eh bien non, Cassavetes enregistrait ce qu'il entendait et l'utilisait tel quel. Donc avec, encore une fois, ce sentiment de vérité, de quelque chose de capté sur le vif, qui ne peut pas mentir, qui n'est pas retravaillé par la suite pour le rendre acceptable ou lisse. Et ce film-là, donc, vous le disiez, il sera, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, Shadow, son premier film comme réalisateur, il sera distribué aux États-Unis par un distributeur européen. Il reste que Hollywood se dit, il y a peut-être quelque chose là. La Paramount va lui offrir un contrat pour réaliser 7 films. Évidemment, ça va être la catastrophe. Il va faire 2 films, ça va s'arrêter là. Et puis, il va revenir en force, dans sa vraie nature, comme réalisateur indépendant, avec Faces en 1968. La musique, on en parlait, on y revient. Donc, extrait de la bande-annonce de Faces en 1968. C'est ce qui lui permet donc de sortir des griffes des studios. Mm-hmm. Qu'est-ce que représente ce film-là pour lui? Ah, c'est vraiment le film qui impose le style Cassavetes. On a évidemment eu le premier qui montrait un petit peu ce dont il était capable, mais Faces, c'est le style Cassavetes à son plus fort. Première apparition de Gina Rowlands de Seymour Cassell dans un de ses films. L'histoire d'un mariage qui tourne mal après 14 ans de vie commune. Évidemment l'adultère qui s'invite dans la partie et puis ce sentiment tout de suite dans un film de Cassavetes d'être au cœur de l'action. Oui. Donc on n'a pas comme d'habitude une histoire en trois actes qui va se dénouer de telle d'une façon heureuse ou non. Non, on est au milieu de l'histoire, on est avec eux et vraiment c'est le film qui va définitivement asseoir l'aura, j'ai envie de dire, de Cassavetes, en plus de lui rapporter 3 nominations aux Oscars, ce qui va quand même prouver à Hollywood qu'il y avait effectivement du talent à aller chercher chez Cassavetes. Et qu'il y avait une autre façon de faire du cinéma. Exactement. Les années 70, c'est vraiment une très, très bonne décennie pour lui. Il enchaîne les films, de bons films. Oui. Quand on parle du cinéma de Cassavetes, Husband, Minnie and Moscovitz, Une femme sous influence, Gloria. Bookmaker chinois, Opening Night, tout ça se passe dans la même décennie. Effectivement, c'est la grande décennie du cinéma de Cassavetes. Et surtout, je pense, les 2 plus grandes performances qu'on peut imaginer dans le cinéma américain, celle de Gina Rowlands dans Opening Night et Une femme sous influence. Les films qui sont faits à très, très peu de temps d'écart et qui sont tous faits sur ce même modèle, c'est-à-dire financés de façon indépendante, tournés le plus souvent dans la maison du couple Rowlands-Cassavetes, improvisé ou en tout cas écrit, mais avec un accent mis sur la spontanéité et toujours cette volonté de gratter la blessure jusqu'à l'os, comme s'il s'agissait de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'humain, même les choses les plus laides, les moins séduisantes, mais les choses les plus vraies. Ouais. Il meurt jeune, il meurt en 89 à l'âge de 59 ans, mais avant de mourir, il tourne ce que plusieurs considèrent comme son testament cinématographique, le film Love Streams. C'est son avant-dernier film. Parlez-nous un petit peu de ce film-là et des dernières années de Cassavetes. Oui, effectivement. Alors, en 83, il a un premier diagnostic. On lui donne 6 mois à vivre et finalement, il mourra en 89 et il aura le temps de faire Love Streams, qui va lui rapporter l'Ours d'or à Berlin, qui est adapté d'une pièce de théâtre que lui-même avait mis en scène et écrite. Et cette fois-ci, il joue lui-même. Il joue le rôle d'un playboy vieillissant qui n'arrive pas à avoir de relation stable ou en tout cas développée avec qui que ce soit. Et de sa sœur, c'est Gina Rowlands, qui elle vient de divorcer. Le divorce est très houleux, se passe très très mal. Et tous les deux vont errer comme ça. Ils vont mettre assez longtemps à se réunir d'ailleurs dans le film. Et pour beaucoup de critiques, c'est le film de Cassavetes, ou en tout cas celui qui résume peut-être le mieux. Et je pense que même lui avait un attachement très particulier à Love Streams parce que, le titre même le dit, Love Streams, les flux de l'amour. Mm-hmm. C'est exactement ce qu'il a filmé tout au long de sa carrière. Les flux qui sont rarement continus, qui sont compliqués, qui montent très haut et descendent très bas. Mais c'est exactement cette idée d'un fil qu'on suit et qui est celui de la vie et de l'amour, tout simplement. Hélène Faradji, merci, critique de cinéma et dimestre pour la section cinéma du site radiocanada.ca et autrice du livre Le cinéma américain, tiré de vos participations à l'émission. Merci, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.